Vous lavez toujours votre linge à 30 degrés? Oui, je le lave toujours à 30 degrés. Vous cirez vos chaussures de temps en temps? Oui, je les cire de temps en temps. Vous faites votre lit le matin? Oui, je le fais le matin. Vous éteignez la lumière en sortant? Oui, je l'éteins en sortant. Vous enlevez vos chaussures en rentrant? Oui, je les enlève en rentrant. Vous invitez vos amis le samedi? Oui, je les invite le samedi.